bien en son bar. Car ici ça pue la jalousie, trop de blabla, l'arc-en-ciel il ne voit que la pluie. Viens on s'en va, Roya, viens on s'en va. Viens on s'en va, car ici y'a trop de tabac. Viens on s'en va, car ici ça pue la jalousie, trop de blabla, l'arc-en-ciel il ne voit que la pluie. Viens on s'en va, Roya, viens on s'en va. Viens on s'en va, car ici y'a trop de tabac. J'suis venu, j'ai vécu, j'ai gagné, j'ai tout perdu. Me débrouiller, m'asseler, su comme un guerrier, j'ai combattu. Ah, comme un guerrier, j'ai combattu. Ouais, ni solo la mer, j'ai bu beaucoup de patience, il m'a fallu. Viens, on s'en va, car ici ça pue la jalousie. Trop de blabla, un arc-en-ciel et ne voit que la pluie. Viens, on s'en va, Roya, viens, on s'en va. Viens, on s'en va, car ici y'a trop de tabac.